Avec un grand C, pour te crosser, on va pas manquer de cran. On est sur l'écran, je peux mettre les gants. Je suis entre la zone et les chicandissements. Entre te parler ou un bon avertissement. Entre continuer ou un bon investissement. Ça va vite dans ma tête, frère, c'est la guerre où j'habite. Faut pas faire le trait, faut pas tout fumer sur la quête. Fais ta conce avec les miettes qui restent sur la pesette. Moi j'avais pas compris, en vrai c'est l'argent qui respecte. Le sale qui réclame, on vous a pas donné que tu sales. Sans vouloir qu'on nous acclame, j'suis pas là, j'vais faire scalab. On mène des vécus de malades, raconte-moi même pas ta life. J'suis pas là, j'vais faire scalab. J'suis pas là, j'vais faire scalab. On mène des vécus de malades, raconte-moi même pas ta life. J'suis pas là, j'vais faire scalab. J'suis barré, tout ça, ça sert à rien. J'veux même pas me bagarrer, rafaler. Et sans arrêt. Je pense au bon moment, ça pète à tout moment. T'as fait de la merde, mais t'as gros faut payer. On a trop charbonné, on rêve d'un monde meilleur. Parle plus de ce sujet, tout ça s'est rayé. J'ai pas peur de toi, moi j'ai peur du Seigneur. J'ai toujours tendu la main, mais ces bâtards ils veulent manger mon corps. Faut qu'on pense à demain, et surtout après la mort. Je conseille de baisser le ton. On veut de la moula, c'est tout. Je te relève si tu bétons. Mais un deck les cafés tournent. C'est trop sale. Là je fais que des sommes colossales. Faut que tu respectes mon losa. On peut te rendre méconnaissable. Et y'a personne qui a mouillé mon dossard. Je l'ai fait tout seul pour finir en douceur. Tout seul pour finir en douceur. Je peux pas soigner mes douleurs. J'suis barré. Tout ça, ça sert à rien. Je veux même pas me bagarrer. C'est rafalé. Et sans arrêt. Je pense au bon moment, ça pète à tout moment. J'suis pas arrêté, tout ça, ça sert à rien.